Rien que ça fait du foot, à beaucoup de l'aura fêté. Et dire qu'au début on s'en foutait. Moi je démarre la chop et je viens le péter à Roubaix. Qui j'talon comme Gobert, des flammes dans le gobelet. Et tu me verras jamais à la Fashion Week, à part si c'est pour Bikrav au designer. Je comptais les diamants dans l'insomnie. Et j'ai plus d'amour pour moi que dit haters. À la caisse m'amortir un article. Plus tard son fils deviendra un artiste. Ou un talent gâché comme Ben Arfa. Moi j'ai cherché la joie dans un regard triste. Et Amel elle a visé la lune. Équipé moi j'ai visé la rue. Il connaît ton frère donc il te servira bien. Je fais mes prières, le reste on verra bien. Bloqué dans le hall, comme si j'étais maudit. Encore un jour comme un autre, où je recours dans un Audi. Torpère et des roses, sur le terrain on arrose. Je suis venu armé le jour du casting. J'ai toujours mauvais. Jeune et ambitieux, parfois vicieux. La cocaïne dans dîner visou. Et sur le terrain je fais du pif abusé. J'ai pas le temps de m'amuser, j'ai des gueules à viser. F430, palette au volant. Je suis cheval congolais sur lequel fallait miser. Grosse veste en bison, j'ai quitté la misère. J'prends les dernières 10 mais je te laisse grâce MBC. Imbécile, tout finaillot. Même devant un gros bout, je perds pas mes moyens. Comme Ousmane en maille, on mouille le maillot. Moi je vais prendre le ballon d'or même devant Yaman. Me raconte pas ta vie, on a cramé ton vice. T'es chelou comme une meuf qui aime pas trop sa vie. On s'est battu sur le bitume, devenu des rageux. Ils se font allumer, ils deviennent des rages. Bloqué dans le hall, comme si j'étais maudit. Encore un jour comme un autre, où je recompte dans un Audi. Torpère et des roses, sur le terrain on arrose. J'suis venu armé le jour du casting. J'ai toujours le mauvais rôle. Bloqué dans le hall, comme si j'étais maudit. Encore un jour comme un autre, où je recompte dans un Audi. Torpère et des roses, sur le terrain on arrose. J'suis venu armé le jour du casting. Et les fins de mois sont dures, maman. Dans ma grotte, j'écoutais dire maman. Dans la remorque, y'a le CRF. Sur la table, salaire de 10 CRS. Y'a le goyard, le marine sert. Tu sais quoi faire si là-bas qui me sert. Sur la carrière des impacts de balles. Non, avec ces gens-là, on ne pacte pas. Jamais.